Voici Histoire vivante. Merci d'écouter la première. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 16 années plus tard, et à l'heure d'été, nous vous invitons à vous replonger pour certains et à les découvrir pour d'autres ce que furent ces premières heures. On fait la queue chez les armuriers de Johannesburg. Pistolets et armes automatiques ne sont jamais si bien vendus. Histoire vivante, une émission de Jean Leclerc. Il y a des toilettes qui sont réservées aux blancs là-bas, il y a des toilettes qui sont réservées aux noirs. Il fait sale et dégoûtant là-dedans. C'est innommable, vous avez envie de remettre quand vous en sortez. Cette semaine, peuple séparé en Afrique du Sud. La conquête du Transvaal à la libération de Mandela. Nous avons laissé hier l'Afrique du Sud plongée dans les émeutes de Soweto. Ces émeutes, n'en doutons pas, ont provoqué, au-delà de l'indignation générale, qui joue souvent le rôle de la cavalerie dans les westerns, hein. Comptez sur moi, j'arriverai à grand galop avant le générique de fin, puis promis, j'oublierai pas mon clairon. Enfin bref, ces émeutes ont fait tache d'huile à l'intérieur même du pays. Tout se passe comme si le gouvernement du Cap, dans son incapacité à juguler réellement les bouffées de violence, autrement que par une autre violence, en multipliant notamment les provocations policières, entrouvrait une porte jusque-là condamnée. Le sentiment, encore diffus, d'un renversement de l'apartheid affleure. Mais du côté des leaders, un nouveau courant a surgi, décidé, lui, à accélérer le processus et ne voulant plus s'embarrasser de tergiversations. Figure emblématique de ces leaders, un certain Steve Biko, transportons-nous en 1977. Chapitre 1. Biko, Biko, Biko's Biko. Ah, pour en vouloir, il en veut le petit Stevie. Tout noir qu'il est, des pieds à la tête, il a décidé de devenir médecin. Et pour devenir médecin, on n'a pas encore trouvé mieux que les études de médecine. Vous me direz, bon, jusque-là on est d'accord, où est le problème? Eh bien oui, le problème commence justement là. Faire sa médecine quand on est noir et qu'on vit en Afrique du Sud, ça relève du chemin de croix. Rien ne vous sera facilité. On s'est battu, il y a peu, pour abolir l'absurde obligation faite aux professeurs noirs d'enseigner en afrikaner, alors que même maîtrisent mal cette langue. Ceci n'est rien qu'un aperçu, tout est fait scrupuleusement, méthodiquement pour empêcher. Mais la seule chose qu'ont jamais su bien gérer les dictatures, ce sont les entêtés. Steve Biko est de cela, non seulement il accède aux études supérieures, mais en même temps, quand il a du temps libre, Vlatipa, qui s'intéresse au mouvement du Black Power, et commence à se dire que les frères aînés des Black Panthers américains seraient peut-être bien des exemples à suivre. Steve Biko, interviewé en 1977, nous en dit à présent un peu plus. La volonté de conscience noire, c'est de privilégier les moyens d'action non violents dans notre pays. C'est notre raison d'être. Mais beaucoup parmi nous doutent de l'efficacité de la non-violence. Ils sont d'avis que le gouvernement nationaliste ne peut être renversé que par une action militaire. Le changement, tout changement, ne viendra que d'un programme établi par les Noirs. Et pour établir ce programme, ils doivent vaincre le premier élément politique qui agit contre eux. C'est un sentiment psychologique d'infériorité. Nous ne croyons pas à la garantie des droits des minorités, car cela revient à séparer les communautés selon la race. Il ne doit pas y avoir de minorité ou de majorité, mais seulement des hommes. Et des hommes tous dotés du même statut légal et des mêmes droits devant la loi. Ce sera en un sens une société totalement non-raciale et égalitaire. Comme dirait Monsieur Coué, tous les matins devant la glace, il faut se le répéter, il faut se répéter qu'on va y arriver, sans quoi le doute pourrait bien s'immiscer. Mais le doute n'aura pas le temps d'entamer Steve Biko. Huit mois après cet entretien, on lui passe les bracelets au poignet, entrave à l'ordre public ou vol à l'étalage ou flagrant délit de cambriolage dans un poulailler, les raisons invoquées pour cette arrestation sont à peu près de cet acabit. Il faut faire taire Steve Biko. On l'arrête non pas pour le faire parler, mais pour le faire taire. Comment fait-on pour faire taire un entêté ? Facile ? Taper violemment sur la tête du prisonnier avec une barre de fer ou un instrument contendant adéquat en ayant bien pris soin de vérifier que votre prisonnier sera bien attaché, sinon il risque de rendre votre action plus difficile. Les sondages le prouvent, en général tous les prisonniers refusent qu'on les frappe. Ne procédez pas immédiatement à l'élimination du susdit. Dans l'idéal, arrêtez-vous un peu avant la fin. Sortez tout simplement, fermez quand même soigneusement la cellule au cas où le prisonnier aurait faim quelque évanouissement et laissez faire le temps. Deux ou trois jours sans soins et votre prisonnier ne vous causera plus aucun souci. Il ne restera plus qu'à évoquer publiquement les raisons de la mort. Statistiquement, la grève de la faim reste encore la meilleure thèse officielle qu'on ait pu trouver. Post-scriptum, évitez de confier l'éventuelle autopsie toujours exigée en pareil cas, il faudra d'ailleurs songer prochainement à ajuster cette pénible charge, évitez de confier cette autopsie à n'importe qui. Plus vite ces questions sont réglées et mieux le monde se porte. Voilà, voilà. Si le mode d'emploi officiel d'élimination des leaders d'opposition existait, on y lirait peut-être des lignes aussi absurdes. Mais après tout, les bourreaux sont aussi parfois fort sincères et laissent leur démence par écrit. Lady Smith Black Mambazo. Il chante « N'kosi sikelei Africa ». C'était l'hymne de l'ANC et il était interprété lors des meetings et des enterrements de militants. Il signifie « Dieu protège l'Afrique. » Et il était bien sûr interdit par le régime blanc. On se signale l'Afrique. Oh, Manu Paganyesu, tout mon loyau. Israël et Tanda, Soyetu. Personnes vont assister aux obsèques de Steve Biko, reprenant le chant des nationalistes noirs, Kosi Kilele Africa. Mais ce jour d'obsèques sera un jour comme les autres, un jour de lutte. le prêtre noir en fait ici serment. Il n'y a pas de plus grande force au monde qu'une idée dont le temps est venu. Une idée dont le temps est venu. Et cette idée, mes amis, c'est conscience noire. Elle nous libérera des chaînes de l'impérialisme blanc, de l'esclavagisme et de l'oppression blanche. Et donc, en hommage au leader noir pacifiste, tabassé dans sa cellule par les policiers sud-africains et mort des suites de ses blessures au fond d'une camionnette qui le transférait à l'hôpital pénitentiaire, Peter Gabriel chante Biko. Chapitre 2. To be indépendant or not, that is the question. Banania réside donc en réserve ou en townships. L'avantage de la réserve, c'est comme son nom l'indique, qu'elle est réservée. Réservée à qui ? Eh bien, aux enfants, entre autres, qui peuvent librement y mourir de faim. Ici, on n'est pas dans le tendre, mais dans la sauvagerie la plus extrême. Nous verrons au cours du dernier jour de la semaine à quel point ce régime n'est pas un endroit isolé, coupé de tout, comme l'affirme son premier ministre Forster. We live in difficult... Nous vivons des temps difficiles, troubles times. Des temps troublés. It is so. La situation est telle South Africa at the moment qu'actuellement l'Afrique du Sud is faced est confrontée with a mandatory arms boycott. À un boycott général des ventes d'armes. There are those in the world outside. Il y en a dans le monde who believe that with this mandatory arms boycott, qui croient pouvoir, grâce à ce boycott, they can bring South Africa to its ils pensent knees. Mettre l'Afrique du Sud à genoux. South Africa not only saw it non coming, seulement l'Afrique du Sud l'avait pressenti, but South Africa mais elle est en mesure d'assurer son autosuffisance en matière d'armement. As far as these armaments are concerned. Alors certes, il y a embargo, mais on sait depuis longtemps qu'embargo rime avec Maginot, extrêmement épais, totalement franchissable. L'embargo est d'abord là pour faire du bruit, pour toucher les pauvres, pour accentuer les misères locales et se trouver ainsi pleinement justifié quant à son aspect punitif. L'embargo, c'est la quadrature du cercle. Non, l'Afrique du Sud n'est pas isolée, toute seule, loin de tout. Non, ne sortons pas les mouchoirs pour M. Forster. Bien des pays d'Occident, à commencer par la Suisse, savent très bien tirer profit de cet état de fait, car encore et toujours, il faut le rappeler, l'Afrique du Sud, entre ses diamants et son or, est un pays riche. Un pays énormément riche. Les possibilités d'enrichissement sont considérables. Quand on déteste l'humain, faire de l'argent et faire mourir, c'est quand même le nec plus ultra. Hein ? On se demande qui pourrait résister à un menu aussi alléchant. Alors revenons à la question des réserves. Il y en a donc en tout 9. 4 ont accepté l'indépendance, les autres, Noé, pas question. C'est le cas notamment de la plus grande, le KwaZulu, et son ministre Gacha Buthelezi nous explique à présent pourquoi. I've got to operate with them, in other words, cooperate with them, however abhorrent I may feel the philosophy behind their experiments is to me personally. Voilà, alors M. Buthelezi nous dit en substance, pour obtenir quelques miettes pour mon peuple, je dois coopérer avec les Blancs, aussi exécrables que me paraissent la philosophie de leur pratique. Hein. Je dois coopérer avec eux, c'est quand même ça qu'il dit. Alors la position de M. Buthelezi reflète à la fois son ambiguïté, il est opposé à l'ANC, il est opposé au Parti communiste, il est opposé au Pan-African Congress, et puis il pratique en sous-main, on l'a entendu, des alliances avec les Blancs. Alors de toute évidence, il y a une fracture qui s'est établi entre les communautés. La lutte pour obtenir le leadership de la communauté noire est désormais engagée. Lutte dont va pouvoir profiter pleinement le pouvoir blanc. Un pouvoir blanc qui est obligé de changer ses pions bicause usure. Bon, enfin, qu'importe, il y a du stock en magasin. Donc après Forster, c'est Peter Botha qui prend le pouvoir. Alors pour faire court, précisons simplement qu'on le surnomme la gâchette, authentique, hein, sinon c'est pas drôle. Ses meilleurs potes, ce sont les anti-cocos qui veulent bouffer du rouge. Ils sont le rempart face à la déferlante bolchevique qui menace à tout moment. Et c'est vrai qu'ils menacent les autres, hein, faut pas l'oublier. Alors, inutile de dire bien sûr que c'est un credo apprécié fortement par certains États occidentaux. Mais allez, on va écouter la gâchette qui va nous expliquer tout ça mieux que personne. Un conseil, écoutez les bras en l'air, hein, des fois qu'ils dégainent. We believe that we are indispensable to the free world. Nous estimons que nous sommes indispensables au monde libre. We believe that without us, the free world. Nous estimons que sans nous, le monde libre ne peut maintenir its strength. Sa puissance. We believe that without South Africa. Nous estimons que sans l'Afrique du Sud, the free world will lose the fight. Le monde libre perdra la bataille. Contre le marxisme et la tyrannie. Alors d'un côté, il y a cette obstination farouche, et puis de l'autre, une revendication au moins aussi résolue, celle des femmes, des mères dont les enfants sont mis à mort par le régime. Une telle épreuve pourrait bien faire accéder à l'invincibilité. Madame Malangu est de celle-là. Mes yeux se sont ouverts. J'ai pas étudié, j'ai jamais été à l'école. Mais j'ai fini par comprendre. Après tout ce qu'ils ont fait, à mon fils et à moi, je me suis réveillée d'un long sommeil. Maintenant, je vais continuer. Je me suis engagée. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Le pouvoir blanc, sous des dehors d'autorité évidente, plie imperceptiblement. Les réformes s'additionnent, ouvrent de nouvelles voies, facilitent certains accès, mais la liberté n'est toujours pas de mise. Botha la gâchette va changer la constitution. Auparavant, il prend sa craie et sur le tableau noir, il nous fait à présent la description de son pays. Oubliez pas, vous écoutez les mains en l'air. We have a country of minority. Nous avons un pays de minorité. There is a white minority. Il y a une minorité blanche. And et within that white minority, we have also other la minorité blanche est constituée d'autres minorités. There's a colored minority. Il y a une minorité de couleur. There are black minorities. Il y a des minorités noires. There's an Indian minority. Il y a une minorité indienne. A country c'est un of pays minorities. De minorité. And any government et tout gouvernement digne de ce nom own sait will que know s'il n'est pas unless you are disposé à reconnaître et à prendre en compte le fait que ce pays est constitué de minorités, s'il n'est pas disposé à considérer cette donnée, il ne pourra jamais gouverner l'Afrique du Sud. Réponse d'Alan Bossack, un des leaders africains à la nouvelle constitution, considérée comme, cette constitution, un tissu de mensonges. Nous voulons tous nos droits. pas seulement des aides symboliques que le gouvernement juge approprié d'accorder. Nous voulons tous nos droits et nous les voulons ici, dans une Afrique du Sud unifiée et divisée. Nous voulons tous nos droits ici et nous les voulons maintenant. Ici et maintenant, voilà autre chose, exaspère le pouvoir blanc. Ainsi donc, ces considérables réformes sont jugées dérisoires. Fort bien, qu'on passe donc aux choses sérieuses, qu'on laisse Banania toucher la femme blanche, et même se marier avec s'il le souhaite. Ça va bien lui faire descendre sa tension, ça quand même. Depuis Johannesburg, Marie Després, au journal du matin du 16 avril 1985, à la radio romande, ne confirme pas pleinement cette hypothèse. Satisfaction, soulagement dans les milieux libéraux blancs, indifférence dans les milieux noirs, voici en gros les réactions à une annonce très attendue. Après 30 ans d'interdiction, blancs et noirs vont pouvoir enfin se marier s'ils le souhaitent et s'aimer librement sans risquer descente de police et poursuite judiciaire. Ceci grâce aux conclusions d'une commission parlementaire mixte qui a trouvé que rien, même pas les écritures saintes, ne justifiait cette législation. Le gouvernement, sans perdre une minute, a annoncé qu'il ferait tout en son pouvoir pour que les lois tant détestées soient mises au rebut d'ici 2 mois. Les conclusions de la commission n'ont pas causé de surprise, elles étaient attendues et pour les milieux libéraux blancs, c'est un pas dans la bonne direction. Les militants anti-apartheid les plus engagés par contre ont averti que ce n'était pas cela qui résoudrait les problèmes dans les ghettos noirs. Le problème crucial, c'est d'accorder aux noirs des droits politiques, la liberté de vivre où ils le veulent dans le pays. Et l'évêque Desmond Tutu a trouvé qu'il s'agissait là d'une tempête dans un verre d'eau. Ce que les noirs veulent, ce sont des droits politiques, c'est très fort pour l'évêque Tutu, c'est trop peu et trop tard. Oui, et puis en plus, la pression extérieure s'accentue. Le Sénat américain s'oppose au gouvernement Reagan et vote des sanctions économiques contre la gâchette et ses sbires. Reagan fait la moue, d'autant plus que son petit Sénat républicain d'ordinaire est avec lui, et il y a donc des alliés. À Washington, Philippe Motta. Ce vote du Sénat, clair et net, par 80 voix contre 12, celle de l'extrême droite républicaine, ne signifie bien sûr pas la fin de l'apartheid. Mais il est en revanche très indicatif de la tendance politique qui se dessine ici. En dépit de la timidité de la Maison-Blanche et de l'administration en général à agir, on a véritablement le sentiment qu'un point de non-retour a été atteint sur cette question. La pression continuera d'être appliquée sur Pretoria, aussi bien par l'opinion publique que par les milieux politiques qui sont à la traîne. Le vote du Sénat interdit les prêts bancaires à l'Afrique du Sud, l'exportation à Pretoria d'ordinateurs que les autorités utilisent généralement à des fins répressives et la livraison de technologies nucléaires. La Chambre était allée plus loin, ajoutant une interdiction d'investir dans le pays, mais le Sénat a adouci sa version, craignant un veto présidentiel. Et la Suisse dans tout ça, me direz-vous? Eh bien, admirez dans l'archive qui va suivre la langue de bois adoptée par le porte-parole du département fédéral des affaires étrangères, interviewé par André Beau. La Confédération a pour attitude dans de telles situations de ne pas se joindre à des sanctions que peuvent prendre un État ou un groupe d'États. Telle est l'attitude du Conseil fédéral à ce propos. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le Conseil fédéral, depuis 1968, et c'était à Téhéran, lors de la conférence des Nations Unies sur les droits de l'homme, condamne l'apartheid dans toutes ses formes. En 1977, également, la Suisse l'a répété à la conférence sur l'apartheid à Lagos. Ensuite, en 1979, lorsque M. Aubert était en visite officielle à Lagos, il avait signé un communiqué commun et qui condamnait également l'apartheid. Et puis, plus dernièrement, je peux vous rappeler que lorsque M. Peter Wilhelm Botha était venu en Suisse, le président de la Confédération, qui était alors M. Schlumpf, avait également condamné l'apartheid. C'était le 1er juillet 1984. Je vous répète que nous condamnons l'apartheid depuis 1968 et que depuis 1963, par exemple, nous avons un embargo sur l'exportation des armes vers ce pays. Et si la répression allait s'aggravant en Afrique australe, est-ce qu'on pourrait envisager des sanctions? Écoutez, il appartient, comme vous le savez, au Conseil fédéral de déterminer la politique de la Suisse. Je ne peux pas me substituer au Conseil fédéral. Ah oui, non, ça se ferait pas. Enfin, quand même, la langue de bois, c'est une science. Hein. Relation trouble, donc, entre ces deux pays sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir. Mais avant de poursuivre, peut-être un petit rafraîchissement musical, histoire de se nettoyer. Pampa Madiba signifie « serpent des hautes herbes » et évoque les dangers à vivre dans les townships. Il est interprété par Malambo, un groupe jazz du Cap. Sur scène, ils sont habillés de costumes traditionnels, avec des instruments de la brousse, tam-tam en baobab, collier de coquillages, etc., etc. Chaque jour, les manifs de toute une génération sacrifiées. Tous les soirs, les télés montrent des images de violence et de répression. Les investisseurs font la grimace. L'apartheid, ça passe, mais c'est la com qui passe plus. Si on voit du flic blanc tirer à tout bout de champ sur du jeune noir, ça va nous faire baisser les cours, ça manque pas. Les sanctions économiques se durcissent, les bourses s'effondrent. La méthode de Peter Lagachette est complètement nulle. Il faut donc envisager la négociation. La suppression du passeport intérieur, responsable de 7 millions d'arrestations, ne va cependant pas être suffisante. Le gouvernement saupoudre et la violence, elle, déboule comme un torrent. 1986, à Toudoussa, les minorités se livrent à des combats acharnés, corps frappés, mutilés, brûlés dans des pneus. Desmond Tutu interpelle parmi les siens tous ceux qui sont responsables de ces actes. These people can still do things like this. Si ces gens sont encore capables d'agir ainsi, maybe they are not yet ready. Peut-être ne sont-ils pas prêts pour la liberté. And I ask you, alors je vous pose la question. We have a cause that is nous avons une cause qui est juste. We have a nous avons une cause qui gagnera un jour. To prevail. For goodness sake, let us not spoil it by the kind of au nom du ciel, ne la gâchons pas par les méthodes que nous utilisons. If we do this et again, si nous recommençons, I must tell you that I am going to find it difficult. Je vous préviens qu'il me sera difficile de faire campagne pour notre liberté. I will find it difficult. Ce sera difficile. C'est déjà si difficile dans ce pays de dire la vérité. Mais si nous utilisons des méthodes comme celles pratiquées à Toudoussa, alors mes amis, je réunirai ma famille et je quitterai un pays que j'aime profondément, un pays que j'aime passionnément. «